La maison d'édition près le Parti du Travail de Corée a publié les affiches illustrées transformant l'arrondissement de Samjiyun, lieu sacré révolutionnaire, en arrondissement exemplaire du pays et assurant à temps les matériaux et les installations nécessaires à la transformation de l'arrondissement de Samjiyun pour encourager les militaires et civils coréens à la transformation de l'arrondissement de Samjiyun.